Je m'appelle Élise Costa et je suis chroniqueuse judiciaire pour Slate et Arte Radio. On me demande souvent « Comment fais-tu pour dormir la nuit ?» Alors j'ai relu mes carnets d'audience, j'ai fouillé dans mes notes personnelles et j'ai convoqué mes souvenirs pour écrire « Les nuits que l'on choisit ». J'espère qu'en refermant ce livre, vous en saurez plus sur l'humanité et l'inhumanité en chacun de nous. Découvrez « Les nuits que l'on choisit », un livre d'Élise Costa aux éditions Marchiali. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la chute de Saddam Hussein. Après les attentats du 11 septembre 2001, les Américains veulent faire payer la note au dirigeant irakien, qui n'est certes pas un enfant de cœur, il est même un abominable dictateur, mais qui n'y est pour rien dans ces attentats qui ont tant ébranlé les États-Unis. Mais pour la dialectique simpliste de George Bush, Saddam est devenu la figure du mal. Il en fallait bien une. Pourtant, à la tête de l'Irak pendant près de 24 ans, le Raïs n'a pas toujours été l'ennemi de l'Occident. Grâce à son sol riche en pétrole, son pays a toujours attisé les convoitises. Dès les années 70, en pleine guerre froide, Saddam Hussein a commercé à la fois avec les États-Unis, l'URSS et les pays d'Europe de l'Ouest. On se souvient comment Jacques Chirac, premier ministre en 1974, faisait copain-copain avec l'Irakien, par exemple. Ainsi, grâce au pétrodollar, Saddam Hussein, que tout le monde appelle par son petit nom, Saddam, allez savoir pourquoi, a pu doter son pays d'infrastructures et s'offrir des armes, beaucoup d'armes. En résumé, quand il fait la guerre à l'Iran, c'est l'ami de l'Occident, mais quand il envahit le Koweït, il est comparé à Hitler. Et lorsque les Américains envahissent l'Irak, en 2003, sur la base d'un mensonge, ils n'ont aucun plan pour l'après-Saddam. Alors, le pays plonge rapidement dans le chaos et la guerre civile, et c'est sur ces friches que poussera une très mauvaise herbe appelée Daesh. Notre invité aujourd'hui est Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris. Il a publié en 2021 chez Odile Jacob « Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle ». Affaires sensibles. Une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Mora, coordination Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décembre 2003, Irak. Région de Tikrit, dans le centre du pays. Ce soir-là, 600 soldats américains de la 4e division d'infanterie sont postés autour d'une ferme appartenant à un ancien garde du corps de Saddam Hussein. C'est le début de l'opération Aube Rouge. Les Américains, qui ont envahi le pays 9 mois plus tôt, recherchent le dictateur dans tout le pays depuis des mois. Introuvable. Mais en coordonnant tous les services de renseignement, ils obtiennent une info fiable. Le fuyard, l'apeuré, se cacherait dans une ferme au bord du Tibre, près de Tikrit, sa région natale. Nom de code donné à la ferme, Wolverine 2. À 20h30, le top départ de l'opération est donné, simple comme un western, le capturer, mort ou vif. Les caméras de CNN filment l'opération. Les soldats américains se lancent à l'assaut. Très rapidement, ils trouvent une trappe qu'ils ouvrent. Un soldat américain explique la suite dans le JT France 2. Il y avait une sorte de trou à rats dont l'entrée était cachée par des briques et des ordures. Après avoir ouvert l'entrée, nous avons poursuivi nos recherches et découvert Saddam Hussein qui se cachait au fond du trou. Saddam est couvert de poussière. Il ne présente aucune résistance. Aucun coup de feu n'est tiré. Pourtant, le dictateur dispose d'un pistolet et de 2 kalachnikovs. Mais il n'a pas voulu se défendre, ni se suicider. Et il s'exclame « Je suis Saddam Hussein, je suis le président de l'Irak, je veux négocier. » Les Américains s'empressent de faire connaître la nouvelle au monde entier. Saddam se cachait sous terre comme une taupe. Paul Bremer, l'administrateur américain de l'Irak, annonce la capture dans une conférence de presse à Bagdad sous un tonnerre d'applaudissements des opposants chiites de Saddam Hussein. Ladies and gentlemen, we got him. Dans la foulée, le Pentagone s'empresse de diffuser des images d'un Saddam vieilli et hagard qui arbore une grosse barbe et une chevelure hirsute en mode clochard. Sur toutes les télés du monde, on voit le dictateur soumis à un examen médical humiliant. C'est qu'il faut exhiber le trophée. Et le président américain, George Bush, s'empresse de prendre la parole. Et maintenant, l'ancien dictateur de l'Irak va faire face à la justice qu'il a refusée à des millions de personnes. La capture de cet homme était cruciale pour l'avènement d'un Irak libre. Elle marque la fin de la route pour lui et pour tous ceux qui ont intimidé et tué en son nom. Il y aura donc un procès, mais avec quelle justice ? Américaine, irakienne, internationale ? Une question majeure. Saddam Hussein détient beaucoup de secrets embarrassants. Car le bonhomme en laïc n'a pas toujours été l'ennemi de l'Occident. Remontons le temps jusqu'à l'année 79, une année charnière pour le monde arabo-musulman. Révolution iranienne, choc pétrolier, paix entre Israël et l'Égypte, prise de la Mecque par des extrémistes islamistes, attaque de l'ambassade américaine à Téhéran et invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. Résumé. Allah Akbar, viva il Papa. Deux cris qui ont été poussés dans la matinée. Le premier à Téhéran pour le retour de l'ayatollah Khomeini. Le prix du pétrole va très certainement être relevé. Les 13 ministres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, sont réunis depuis ce matin à Genève et il semble probable ce soir qu'ils vont se mettre d'accord sur une augmentation de 15%. C'était à la Maison Blanche, il n'y a pas 2h30. Anwar el-Sadat et Menachem Begin mettaient fin à 30 ans de guerre. 59 otages toujours détenus à l'ambassade des États-Unis de Téhéran par des manifestants qui demandent l'extradition du Shah. Un commando armé a donc pris d'assaut la grande mosquée de la Mecque en Arabie Saoudite. Il y aurait eu une dizaine de morts au moment de l'attaque et les terroristes auraient avec eux près d'une centaine d'otages. Des bruits de bottes soviétiques en Afghanistan. Des touristes étrangers ont vu plusieurs douzaines d'avions cargo transportant des blindés et des troupes d'élite se poser sur l'aéroport de Kaboul. En cette même année 79, Saddam Hussein prend les pleins pouvoirs en Irak. Il arrive, à sa manière, à convaincre le président Ahmad Hassan al-Bakr de s'écarter du pouvoir. On parlera de raisons de santé. Mais le nouveau raïs, qui veut dire chef en arabe, ne s'arrête pas là. En digne admirateur de Joseph Staline, il va organiser son procès de Bagdad, à la manière de ceux de Moscou. 22 juillet, des milliers de cadres du Parti Baas sont rassemblés pour une réunion d'urgence. La mise en scène est millimétrée. À la tribune, Mohi Hussein al-Mashadi, cadre du parti, se livre à une confession. Cet homme fort du régime a comploté avec le président syrien Hafez al-Assad pour unir les deux pays. Alors il égrène une liste de 50 noms. Ismail Ibrahim al-Najjar, Biden Fadl, Majid Abdel-Sattar, Salman Dawood Nijris, Hassan Marghoun, Ahmed Ibrahim Saleh. Saddam Hussein, cigare à la bouche, verse des larmes de crocodile. Le complot, c'est faux, bien sûr. Le repenti a été torturé pendant des jours avant de livrer cette confession à la tribune. C'est clair, le nouveau maître de l'Irak veut écarter tous ceux susceptibles de s'opposer à son pouvoir. Il inaugure son nouveau poste par une purge à laquelle il participe activement en assassinant lui-même certains de ses opposants. Près de 50 d'entre eux sont ainsi exécutés et tout cela est filmé. Et pour bien faire passer le message, Saddam fait envoyer les cassettes vidéo dans tout l'Irak et les pays voisins. Le dictateur irakien n'a plus aucune limite. Il est à la tête d'une dictature policière où tout opposant est exécuté. Sans pitié, il fait filmer les séances de torture qu'il regarde parfois le soir comme un divertissement. Selon son ancien chef du protocole, Saddam boit beaucoup, fume du cannabis et de l'héroïne et sniffe de la cocaïne. Parfois hors de contrôle, il est capable de faire tuer des membres de sa famille, sa propre famille, accusés de conspiration en lâchant d'énormes chiens d'attaque contre eux. Il dispose aussi d'une équipe de violeurs professionnels qui se livrent à des sévices sur des opposants et, on l'imagine surtout, sur des opposantes. Voilà pour le portrait de Saddam, un monstre. Mais en France, comme dans beaucoup de pays occidentaux, il est une personne très respectée. Jacques Chirac dit même être son ami. Après tout, Saddam n'a pas de pitié, mais il a du pétrole. La France et l'Irak, une grande histoire d'amour et d'argent. Après le choc pétrolier de 73, les deux pays se rapprochent. Saddam, alors numéro 2 du régime, caresse un rêve, la bombe atomique. Se met alors en place un échange, savoir-faire nucléaire contre achat d'armes et pétrole. La France livrera notamment à l'Irak un réacteur qui sera détruit par les Israéliens. C'est l'affaire Osirak. Mais c'est une autre histoire. Saddam achète aussi beaucoup d'armes à la France, qui devient son deuxième fournisseur derrière l'URSS. France, URSS, États-Unis, l'Irakien n'a que des amis. Son seul ennemi, c'est l'Iran, qui l'agresse le 22 septembre 1980, déclenchant une guerre d'un autre âge. Une émission spéciale de France Inter consacrée à la guerre entre l'Irak et l'Iran. Irak, Iran, les frères ennemis de l'islam, un contentieux à la fois géographique, politique, économique et religieux, les explications de Ralph Pinto. Bagdad contre Téhéran, un double rapport de force entre un pouvoir fort, celui de l'Irak, et un pouvoir faible, celui de l'Iran, entre une armée en décomposition, celle de l'Iran, et une armée aguerrie, celle de l'Irak. C'est le début d'un des pires conflits de la seconde partie du XXe siècle. Une guerre de position genre Première Guerre mondiale, avec des tranchées, des charges à la baïonnette, des gazages et des centaines de milliers de jeunes soldats sacrifiés par Saddam Hussein et l'Ayatollah Khomeini. À cela s'ajoute le cynisme des puissances occidentales. Les États-Unis et la France, notamment, ne vont pas hésiter à vendre des armes aux deux belligérants, d'où une guerre interminable de 8 ans. On vend des armes, on gagne de l'argent, et deux puissances s'affaiblissent. Ce conflit est émaillé de scandales, comme le prêt par la France à l'Irak d'avions super-étendards pour bombarder des installations pétrolières iraniennes, ou l'Iran Gate aux États-Unis, deux autres affaires sensibles. Au terme de cette guerre qui n'a pas de réel vainqueur, on évoque le chiffre d'1 million de morts. L'Irak est exsangue. Saddam Hussein demande aux pays arabes voisins qui lui ont prêté de l'argent d'annuler la dette. Après tout, il les a protégés de l'Iran chiite. Mais l'Arabie Saoudite et le Koweït refusent. Pire, le petit émirat koweïtien augmente même sa production de pétrole, ce qui fait baisser les revenus de l'Irak. Alors, le 2 août, Saddam envahit le Koweït. Bonsoir. La guerre au Proche-Orient. En moins de 6 heures, l'armée irakienne a envahi ce matin le Koweït. Ce petit pays très riche a été anéanti sans pouvoir opposer la moindre résistance. La guerre avec une offensive éclair conduite aux premières heures du jour et qui marque un tournant tragique dans le conflit qui opposait depuis plusieurs semaines les deux pays. La guerre dans une région très sensible du monde, le Golfe Persique. Très vite, une coalition internationale se met en place. Saddam Hussein, l'ancien ami, devient l'ennemi à abattre. La propagande américaine le compare à Hitler. George Bush père veut emmener avec lui de nombreux pays sous l'égide de l'ONU. La France suit les mouvements et engage son armée contre cet allié à qui on a vendu des armes et un réacteur nucléaire. Jean-Pierre Chevènement, alors ministre des armées et opposé à la guerre, claque la porte du gouvernement. Dans le documentaire « Irak, destruction d'une nation » réalisé par Jean-Pierre Canet, l'ancien ministre socialiste explique à sa manière quelle était la surprise de Saddam, qui ne pensait pas être attaqué par ses anciens alliés. Saddam Hussein a toujours considéré qu'il était un peu le soldat de l'Occident au Moyen-Orient. Un peu comme un patron de bar à Pigalle peut considérer qu'il est protégé par la préfecture de police. Que par conséquent, les Américains n'iraient pas jusqu'à la destruction totale de l'Irak. La coalition internationale n'a aucun mal à mettre en déroute la supposée 4e armée du monde, encore un élément de propagande. Ces SCUD fournis par l'URSS se sont montrés bien peu efficaces face aux missiles antimissiles américains patriotes. Mais en représailles, Saddam ordonne d'incendier tous les puits de pétrole au Koweït. Une stratégie absurde, doublée d'un crime écologique. George Bush père ne va pas jusqu'à faire chuter Saddam, non. Il décide de respecter le mandat de l'ONU et n'envahit pas l'Irak. Mais il va inciter les chiites du sud du pays et les kurdes du nord à se révolter. Et bien sûr, Saddam réprime dans le sang. Bilan des milliers de morts. Les Américains ne bougent pas et la communauté internationale reste muette. Comme pour le massacre des civils kurdes à Rabja avec des gaz en 88. Meurtre de masse de civils de surcroît commandé par Saddam Hussein. Après la guerre du Golfe, s'ouvre alors pour l'Irak une longue période de sanctions internationales qui fait souffrir beaucoup plus la population que les cadres du régime. Privés notamment de médicaments, des enfants meurent. En 1996, un programme de l'ONU est mis en place pour aider le peuple irakien. Pétrole contre nourriture. Ce sera la porte ouverte à un énorme système de corruption impliquant Saddam Hussein et des sociétés occidentales. Le 13 décembre 2000, George Bush, le fils, s'adresse aux Américains. Il vient d'être élu président après un véritable braquage électoral contre Al Gore. La présidence est plus qu'un honneur, c'est plus qu'un bureau, c'est une charge à porter et je veux m'y consacrer pleinement, dit-il. En réalité, Bush est le président des loisirs, mais avant tout des siens. Il pêche, il joue au golf ou au tennis et passe son temps en vacances. Jusqu'à ce jour de septembre 2001. Ce 11 septembre 2001, jour des attentats, George Bush est dans la salle de classe d'une école maternelle. Les images ont fait le tour du monde. Un conseiller vient le prévenir des attentats. Regard dans le vide, Bush continue à écouter la maîtresse qui lit le livre « Ma biquette ». Dans son livre « Fahrenheit 1112 », récompensé par la Palme d'Or à Cannes, le documentariste Michael Moore imagine ce qui se passe dans la tête de George Bush quand il comprend que son pays est attaqué. Il fait apparaître Saddam Hussein à l'écran et imagine Bush disant « Il vaut mieux que j'accuse ce type-là ». Caricatural ? Pas tant que cela. Car dès le lendemain des attentats, la mécanique du mensonge américain est enclenchée. Dans l'émission 60 minutes, diffusée sur la chaîne CBS, Richard Clark, coordinateur national pour la sécurité, se lance dans une explication de texte sur ce que Bush a dit au lendemain des attentats. Vous arrivez le 12 septembre pour préparer la riposte à Al-Qaïda. Parlez-moi de la réaction des membres du gouvernement. Ce jour-là, que vous a dit le président ? Le président a pris un ton intimidant et nous a clairement indiqué, à moi et mon équipe, qu'on devait découvrir que l'Irak était mêlé aux attentats. Car ils avaient l'Irak en ligne de mire avant d'arriver au pouvoir. S'est-il renseigné sur d'autres pays ? Non. C'était l'Irak, Saddam. Trouvez quelque chose. Parlait-il plus de l'Irak que d'Al-Qaïda ? Absolument. Il n'a pas mentionné Al-Qaïda. Dans les semaines qui suivent, les néoconservateurs s'en donnent à cœur joie. On rend responsable Saddam Hussein des attentats du 11 septembre. Le dictateur irakien est certes à l'origine de centaines de milliers de morts, mais les attentats, ce n'est pas lui. Qu'importe, Bush parle d'État voyou et d'axe du mal. Dans sa tournée diplomatique, le vice-président Dick Cheney l'affirme « Il n'y a aucun doute que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive ». Les risques de l'inaction sont bien plus grands que les risques de l'action. On connaît la suite. Le 5 février 2003, Colin Powell s'exprime devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et évoque ses armes de destruction massive. Une semaine plus tard, au même endroit, Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères de la France, prononce son célèbre discours du non à la guerre en Irak. C'est l'Europe issue de sa vieille civilisation et ses valeurs, tout ça. Mais qu'importe l'avis de la France, de l'Allemagne, de la Russie et de la Chine, en mars 2003, les Américains et les Anglais sont prêts à envahir l'Irak. Et cette fois, ils sont bien décidés à chasser Saddam du pays. George Bush Jr. est prêt en quelque sorte à finir le travail de papa. Quant à Saddam, il défie une fois de plus les Américains dans un discours prononcé le 20 mars 2003. En ce jour où ce stupide criminel, Bush Jr., a réalisé le crime dont il menaçait l'Irak et l'humanité, au nom de nos victoires, au nom de nos valeurs, de nos principes et de tout ce que nous avons de sacré, je dis que chacun de nous doit se battre et se sacrifier. Vous croyez en Dieu, les mécréants seront vaincus. N'ayez pas peur, lancez votre épée contre l'ennemi, que votre lumière les aveugle. Je m'engage à faire face aux agresseurs et à faire en sorte qu'ils perdent. Notre nation vaincra, l'humanité vaincra, le mal sera vaincu, la coalition américano-sioniste sera vaincue. Dieu est grand, vive l'Irak, vive la Palestine, vive notre nation glorieuse. I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. home's a long, long way from home. Feel a dirty wind blowing. Devil's in dust. I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Can turn your heart black, you can trust. Take your God-filled soul, feel the devil's in dust. Well, I dreamed of you last night in a field of blood and stone. Well, the blood began to dry, the smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob, in a field of mud and bone. Your blood began to dry, the smell began to rise. We've got God on our side, we're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful flame. It'll turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul, fill it with the devil's hand. It'll take a God-filled soul, fill it with the devil's hand. Aujourd'hui, la chute de Saddam Hussein. France Inter, affaires sensibles. Avril 2003, moins d'un mois après l'invasion anglo-américaine, à peine contrariée par l'armée de papier de Saddam Hussein, Bagdad tombe quasiment sans résistance. Cinq jours plus tôt, le leader irakien se montrait à la télé de son pays dans les rues de la capitale. Sur les images, il s'offre un dernier bain de foule, ultime provocation contre cette Amérique qu'il déteste. Mais ce 9 avril, c'est un autre Saddam qui a rendez-vous avec la foule. Un Saddam le bras levé, gigantesque, 12 mètres de haut, tout en bronze. Et une foule qui commence à s'attaquer à la statue. Avec l'aide d'un blindé américain, le dictateur s'écroule, la foule exulte, les images font le tour du monde. Coup de com' réussi pour les Américains. Car s'agissait-il du mouvement spontané d'un petit groupe de Bagdadi ou d'une opération de manipulation américaine? Cela fait encore débat. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, de nombreux chiites, longtemps persécutés sous Saddam, savourent, comme l'explique le JT de France 2. Mélange de ferveur religieuse, de joie et de soulagement dans le quartier de Saddam City. Ici, la majorité chiite déshéritée a été tyrannisée, humiliée, pendant toute la période de la dictature du parti Baath, plus de 45 ans. Aujourd'hui, sous la bannière noire chiite, c'est un jour de délivrance. Les jeunes en profitent pour hurler « Oui au chiisme, bientôt au pouvoir ». Premier mai 2003, porte-avions nucléaire USS Abraham Lincoln. Un avion de chasse à pompe sur le navire de guerre. Un passager descend du jet en tenue de pilote de chasse. C'est George Bush. Il va annoncer aux Américains une grande nouvelle. Il enfile d'abord sa tenue de président, costume noir, chemise blanche et cravate rouge, et un petit pin's du drapeau américain sur sa veste. Aucun détail n'est laissé au hasard. George Bush s'avance sur le pont du bateau pour rejoindre un pupitre. Il est entouré de soldats et une grande banderole sur laquelle on peut lire « Mission accomplie » a été déployée en arrière-plan. Les opérations de combat majeures en Irak ont pris fin. Dans la bataille de l'Irak, les États-Unis et nos alliés ont remporté la victoire. Pour George Bush, la guerre est terminée. Et pourtant, une immense chasse à l'homme vient de débuter, car il faut trouver Saddam Hussein et tous les dignitaires du régime. Dans tout le pays, des soldats se lancent dans la traque, avec un jeu de cartes à la main. Sur l'as de pique, on retrouve la photo de Saddam Hussein. Ce jeu est aussi distribué à la population avec les prix de récompense. Façon Far West, une fois de plus. Saddam, c'est 25 millions de dollars. Pour les as de trèfle et de cœur, les deux fils du dictateur, c'est 15 millions. La méthode paye. Un informateur balance la localisation des deux frères. Ils sont tués par l'armée américaine le 22 juillet 2003 à Mossoul. Pendant des mois, le château de cartes s'effondre au fil des arrestations ou exécutions des anciens membres du régime. Mais l'as de pique, Saddam Hussein, reste introuvable. Avant l'invasion américaine, le dictateur possédait 55 palais dans tout le pays et avait beaucoup de personnes à son service. Des gardes du corps, notamment, souvent issus de sa région natale de Tikrit et réputés pour leur loyauté sans faille, une sorte de garde prétorienne. Après une longue enquête de terrain, les Américains parviennent à identifier des membres du cercle proche de Saddam. Et l'un d'eux, une fois arrêté, livre l'une des caches du dictateur. Le 13 décembre 2003, nous l'avons raconté dans la scène d'introduction, Saddam est donc arrêté dans son trou à rats, pour reprendre l'expression des Américains qui ne sont pas au bout de leur peine. Car le chaos s'installe dans le pays. Attentats, représailles, tensions entre communautés chiites et sunnites. Le pays a été pillé, les ministères brûlés, les infrastructures détruites. Des milliers de jeunes soldats américains sont envoyés dans ce qu'on peut appeler l'enfer irakien. Dans son film documentaire Fahrenheit 1112, Michael Moore montre la réalité sans phare d'une guerre sale, avec des soldats américains qui confient tirer sur tout ce qui bouge, tout en écoutant du heavy metal à fond dans leur casque. Des jeunes militaires qui versent dans l'horreur au sein de la prison de Abu Ghraib, à 30 km de Bagdad. En avril 2004, The New Yorker publie une série de 3 articles sur les sévices infligés aux détenus irakiens au sein de cette prison. Humiliation, torture et viol, la barbarie des démocrates. Les photos sont diffusées sur toutes les télés du monde. On y voit notamment un homme nu, tenu en laisse, un autre le corps couvert d'excréments avec une banane dans l'anus. Les Américains, qui voulaient se présenter comme les libérateurs, montrent à la planète entière leur face la plus sombre. Telles sont toutes les guerres saintes. Bush avait annoncé la sienne. Le 1er juillet 2004, à Bagdad et dans tout le pays, on se rassemble dans les cafés pour regarder la télé. Tout le monde attend de voir l'ancien Raïs pour sa première comparution devant le tribunal spécial irakien. Car Saddam Hussein sera bien jugé dans son pays. Par ses quoi, ce citoyen. D'abord donc ce moment d'histoire partagé par tous les Irakiens devant leur télévision aujourd'hui. Saddam Hussein devant ses juges, Saddam Hussein devant le tribunal. Ce sont les premières images depuis celles diffusées au moment de sa capture. Et vous allez le voir, c'est un tout autre homme qui est apparu. L'œil vif, en costume, la barbe bien taillée. Il ne regrette rien et il défie les nouvelles autorités irakiennes. Les images présentées et commentées par Jacques Cardoz. Saddam Hussein est de retour dans l'un de ses palais, transformé en tribunal. Cette fois, c'est à lui de répondre. Il en tremble. Costume gris, chemise blanche, on vient de lui enlever les menottes et les chaînes. Saddam Hussein adopte l'attitude qu'il aura pendant tout le procès, arrogant, fier, provocateur. Il lui faudra attendre plus d'un an pour que son procès proprement dit commence. De retour en prison, à l'isolement, il médite sur son sort, lit le Coran et demande à ses gardiens les dernières informations. En novembre 2004, il apprend que son pire ennemi, George Bush, a été réélu pour un second mandat. Le 19 octobre 2005, le procès de Saddam Hussein s'ouvre enfin. Tout est filmé et diffusé à la télé. Mais tout est contrôlé par les Américains qui imposent un léger différé pour couper certains passages au cas où Saddam, l'ancien allié, livrerait des éléments gênants pour les Occidentaux. D'ailleurs, pour éviter ces sujets, l'ancien Raïs est jugé pour un massacre de 142 personnes perpétré en 1982 à Djouaïl en représailles à une tentative d'assassinat manquée contre lui. On ne parlera donc pas d'Al-Abja, de la guerre Iran-Irak, de l'invasion du Koweït et des massacres de chiites et de Kurdes. procès historique, pas loin d'être hystérique, où s'enchaînent les polémiques, en particulier sur la composition du tribunal, jugé trop proche du gouvernement chiite. Saddam Hussein, qui ne reconnaît aucune légitimité au juge, transforme alors le procès en tribune politique. À cela s'ajoute le chaos dans Bagdad et les assassinats de trois avocats de l'ancien dictateur. 5 novembre 2006, jour de verdict. Pendant près de 2 ans après sa capture, et après 2 ans, Saddam Hussein va être fixé sur son sort. Lève-toi, nous allons annoncer ta sentence. Comment ? Reste debout pour entendre notre décision. Non, pas question. J'écoute assis. Le juge est obligé d'appeler les gardes pour contraindre Saddam Hussein à se lever. Dès l'énoncé du verdict, l'ancien Raïs s'insurge. Vive le peuple ! Vive la nation ! À bas les collabos ! À bas les envahisseurs ! Dieu est grand ! Alors que le juge proclame la condamnation à mort pour crime contre l'humanité, le Coran en main, Saddam l'insulte. Et va te faire voir avec ton tribunal. Après une procédure en appel, la condamnation est confirmée. Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki signe l'ordre d'exécution. 30 décembre 2006, 4 heures du matin. L'armée américaine livre à Saddam Hussein à plusieurs hommes cagoulés. L'ancien dictateur est amené dans un quartier chiite au sein d'une ancienne caserne de renseignement militaire. Le lieu est top secret, mais la scène est filmée et retransmise à la télé, sans le son. Et on y voit plusieurs hommes guider Saddam Hussein vers un gibet. L'ancien Raïs n'a pas l'air agité ni angoissé. La veille de son exécution, son médecin lui a proposé des médicaments. Saddam lui a répondu, arrogant jusqu'à la lisière de la mort, « Une montagne n'a pas besoin de calmant. » Ce matin-là, il y a une quinzaine d'invités. Tous sont chiites et haïssent Saddam, qui les a opprimés pendant plus de 2 décennies. L'un de ces hommes va filmer la scène, avec le son cette fois. Une vidéo pirate qui sera diffusée après l'exécution. Ces chiites que vous venez d'entendre crient le nom de Moqtada al-Sadr, le fils d'un ayatollah chiite irakien exécuté par Saddam Hussein. L'ancien dictateur se défend et invective les hommes qui lui font face. Il a la corde autour du cou et il récite la profession de foi lorsque la trappe s'ouvre. Voilà, Saddam Hussein a été exécuté le jour de l'Eid al-Bab, jour de fête religieuse musulmane. Une provocation de plus de la part des chiites. Dans le documentaire « Le procès de Saddam Hussein » réalisé en 2007 par Esteban Nouyara, les conseillers juridiques William Willey puis Eric Blinderman expliquent que cette exécution était le pire scénario possible. On n'aurait pas pu faire pire que ça. On prend Saddam Hussein et on le pend en scandant le nom de Muqtada al-Sadr, le jour d'une fête majeure du calendrier musulman. Et pour couronner le tout, on filme la scène et on diffuse les images dans le monde entier. De nouvelles vidéos sortent aujourd'hui qui montrent ce que l'on savait déjà. Ils ont ramené le corps à la résidence du Premier ministre, dans la zone internationale. Et ils ont fait la fête. Il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, Colin Powell mentait devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Irak était envahi 1 an plus tard. Selon certaines estimations, cette guerre aurait causé près de 200 000 morts parmi les civils irakiens et 4 000 chez les soldats américains. Le mercredi 18 mai 2022, George Bush tient un discours à Dallas. À propos du système politique russe et de la guerre en Ukraine, il déclare « Ce résultat est une absence de frein et de contrepoids en Russie et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak ». Vous avez bien entendu, il a dit Irak au lieu d'Ukraine. Un beau lapsus en forme d'aveu. Y'all know, homie, but your president is playing Grand Theft Oil. Grand Theft Oil, Grand Theft Oil. Somebody's playing Grand Theft Oil. Person is weapons of mass destruction. The President of the United States. Saddam is a threat because he admit senior al-Qaeda terrorist planner. Hidden prejudice. I will use it to spread violence and fear. For everyone. Back down. Come for me. Come on. We will not leave until the job is done. We are ready. They are not. Frankly, war is what they got. Don't mess with George W. Everyone can now doubt the word of America. Grand Theft Oil. Grand Theft Oil. Somebody's playing Grand Theft Oil. George W. Bush is deceiving. He clearly has much to hide. He has given no evidence. Different threats require different strategies. Georgie Porgy told a lie. Damn. Sent the troops and made them die. Damn. Sent the troops and made them die. He is a threat to the American people. President of a slave-holding society. Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la chute de Saddam Hussein. Notre invité, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris. L'auteur en 2021 chez Odile Jacob du livre intitulé « Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle ». Bonjour Frédéric Ancel, comment allez-vous ? Ah, c'est très bien, et vous ? Très bien, je me permets de vous poser la question, car vous êtes notre consultant récurrent en géopolitique. Votre nom est associé à Affaires Sensibles, ce dont nous nous félicitons. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, l'Irak, je vais commencer par une question un peu ouverte, mais elle est importante. Où en est l'Irak aujourd'hui ? Par qui ce pays est gouverné ? Quelles sont encore les tensions et les rapports de force dans cette Alors, je vais peut-être surprendre certains de vos auditeurs, mais l'Irak aujourd'hui est l'un des principaux alliés des États-Unis d'Amérique au Moyen-Orient. Mais oui. C'est-à-dire avec deux bases permanentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par une espèce de faux paradoxe, et 20 ans après le caractère tout à fait calamiteux de l'expédition américaine, vous l'avez bien rappelé d'ailleurs, je pense qu'on va y revenir, mais au fond, le régime politique en place à Bagdad, il est quand même pro-américain. Une raison relativement simple, c'est qu'on a affaire à un régime qui dépend pour une partie de la reconstruction du pays d'une part, pour la liberté d'approvisionnement et surtout d'exportation du pétrole, c'est à peu près tout ce que fait l'Irak hein, en termes d'exportation, dépend de la protection américaine. Et c'est d'autant plus vrai après l'épisode catastrophique de Daesh, hein, de l'État islamique, au milieu des années 2000, où là encore, qu'on le veuille ou pas, les 2010, pardon, où là encore, qu'on le veuille ou pas, les Américains, de toute façon, ont joué quelque part les sauveurs. Alors, les sauveurs de qui ? On va le voir. Mais simplement, pour vous répondre par une pirouette, aujourd'hui, l'Irak est dirigé par une majorité chiite, simplement parce que les chiites sont plus de 60% de la population, et cette majorité, tant bien que mal, elle souhaite le maintien des bases américaines dans le pays. Alors, Saddam Hussein était sunnite, d'aussi minorité qu'a pris le pouvoir. Environ 20%, ouais, oui. Donc les chiites ont beaucoup souffert. Aujourd'hui, est-ce que c'est le phénomène à l'envers ? Est-ce qu'ils ont pris tous les pouvoirs ? Ils ont pris la quasi-totalité des pouvoirs régaliens, c'est-à-dire des pouvoirs qui comptent en réalité. Hein. Mmh. Donc l'économie générale, la défense bien sûr, les affaires étrangères naturellement et beaucoup d'autres prérogatives appartiennent aujourd'hui bien évidemment aux chiites qui, dans la zone arabe, parce que laissons les Kurdes de côté, qui sont aussi environ 20%, et qui d'ailleurs, vous l'avez rappelé avec l'épisode d'Al-Abja, ont beaucoup souffert aussi à l'époque de Saddam Hussein, mais laissons les Kurdes qui ne sont pas arabes de côté. Il y a donc sur les 80% d'arabes que compte l'Irak, la grande majorité donc de chiites. Et si vous voulez, aujourd'hui, et c'est vrai depuis la chute de Saddam, on a effectivement affaire à une véritable revanche. Je précise d'un mot que cette majorité chiite n'est pas nécessairement inféodée à l'Iran chiite voisin. De toute façon, sinon, vous imaginez bien, et vos auditeurs aussi, qu'il n'y aurait pas de base américaine permanente en Irak, si c'était le cas. Alors, vous parliez d'expéditions calamiteuses. Est-ce que la calamité américaine, pour le coup, c'est de ne pas avoir prévu l'après-invasion ? Oui, alors je dirais que la calamité est même de trois ordres. La première, c'est en amont taper sur un régime qui effectivement n'était strictement pour rien quant au 11 septembre. Au contraire, Saddam avait énormément de défauts, mais c'était pas un islamiste radical, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été l'impréparation en amont. Ça, c'est absolument évident, tout le monde le reconnaît. Déjà à l'époque, il y avait franchement des failles, ou en tout cas, on se disait peut-être que les Américains gardaient dans leur manche une botte secrète. Et en fait, non, c'était très très mal préparé, très mal organisé. Et en aval, effectivement aussi, alors ça c'est la troisième calamité, ils n'ont pas prévu l'après au sens où il était à peu près évident qu'une guérilla se mettrait en place. Parce que les sunnites venait donc de perdre le pouvoir avec Saddam, il est évident qu'il n'allait pas accepter que les chiites, même s'ils étaient majoritaires, prennent le pouvoir. Et les Américains, d'ailleurs, n'ont envoyé qu'un contingent relativement modeste au regard de l'Irak, qui fait à peu près le trois quarts de la France. Et donc, c'était nettement insuffisant pour pouvoir tenir correctement le pays. Est-ce qu'on peut dire que les Américains ont indirectement enfanté Daesh en Irak comme ils ont enfanté indirectement Ben Laden et Al-Qaïda en Afghanistan ? Eh bien, je ne le crois pas. C'est intéressant, parce que ça, c'est une idée qui traîne, qui est comme un bruit de fond. Alors, allez-y. Oui, non seulement un bruit de fond, mais un bruit de fond accompagné d'un autre bruit de fond qui consiste à dire, au fond, les Américains ont déstabilisé le Moyen-Orient. Je veux dire, les Américains, le Moyen-Orient, n'a pas attendu les Américains en 2003 pour se déstabiliser, pour déstabiliser de l'intérieur ou de l'extérieur. Bon, mais si vous voulez, moi, je pense que il faut revenir au caractère endogène du phénomène de l'islamisme radical qu'on peut faire remonter pratiquement au 9e siècle et en tout cas au 15e. Alors je vous épargnerai les grands exégètes qui ont été extraordinairement violents au cours des siècles, mais qui finalement, eux, idéologiquement, sont la véritable source interne de l'islam radical ou de l'islam politique radical, appelez ça comme vous voulez. Maintenant, et j'ajoute un point important, c'est que ne serait-ce qu'au 20e siècle, l'arrivée des Ikhwan, des frères musulmans, dans un certain nombre de pays, à partir de l'Égypte en 1928, ont déjà bousculé très gravement et très durablement, non seulement le Moyen-Orient, mais jusque et y compris à l'Afghanistan. Bon, si vous voulez, en 1928, les Américains ne sont pas là. Donc, je pense que ce n'est pas exact. En revanche, il y a eu accélération par l'absence justement de préparation de l'après. Il y a eu accélération ou accentuation d'un phénomène de rejet de cette majorité chiite qui a pris la forme de Daesh, de l'État islamique. Mais au fond, on aurait pu imaginer d'autres formes de contestation. Celle-ci était, j'allais dire, dans le vent, et notamment au Moyen-Orient depuis déjà au moins deux décennies, voire trois décennies. Les Américains, par leur imprudence et leur mensonge, ont accéléré ou ont accentué le phénomène. Merci pour cette réponse très complète. Surtout, ne quittez pas, on se retrouve dans 2 minutes et demie après avoir écouté Bertrand Belin, La Nouvelle. La nouvelle la nouvelle est tombée. France Inter. Affaires sensibles. Frédéric Ancel, géopoliticien. Vous disiez tout à l'heure, expédition calamiteuse. Déjà, elle commence. Le postulat n'est pas bon, puisque c'est un mensonge hein, sur les armes de destruction massive. Et il y a toujours cette question. Tant d'années après, mais pourquoi diable, en 90, George Bush père n'a-t-il pas évincé Saddam Hussein du pouvoir en Irak ? Alors, pour une très très bonne raison géopolitique, il ne s'agissait de ne pas permettre à l'Iran, hein, qu'on vient de mentionner tout à l'heure, à la République islamique d'Iran, détestée par Washington à l'époque, contrée par Washington et d'ailleurs par l'ensemble de l'Occident, de prendre davantage de pouvoir. Parce qu'évidemment, si déjà à l'époque, Saddam, on lui enlève son armée et qu'il chute, bah on sait parfaitement qu'une majorité de chiites arrivera vraisemblablement au pouvoir et que l'Iran pourra peut-être, sans doute même, s'appuyer sur tout ou partie de cette nouvelle majorité. Autrement dit, Bush père libère le Koweït et surtout 10% des réserves de brut mondiales. Donc il chasse l'armée irakienne en la renvoyant en Irak, mais tout en laissant la possibilité à Saddam Hussein, comme vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, de mater des rébellions au sud chiite et dans une certaine mesure au nord kurde. Ce qui relève d'une finesse géopolitique incontestable et en même temps d'un cynisme parfaitement écœurant. Parce que bien évidemment, qu'est-ce qu'il va faire Saddam ? Alors il a été chassé du Koweït, il a doublement besoin de retrouver en quelque sorte une assise et une aura, notamment auprès de sa propre minorité, et il va écraser dans le sang la révolte chiite. Je rappelle quand même que Saddam, qui arrive au pouvoir donc directement en 79, hein, qui en était très proche en 75, mais qui arrive vraiment au pouvoir seul en 79 et donc qui perd le pouvoir en 2003, c'est quand même au moins 1 million de morts. Je parle de civils irakiens eux-mêmes, dont une majorité de chiites. Et c'est un CV en termes impérialistes ou militaro-impérialistes, avec l'Iran, vous l'avez rappelé, le Koweït également, extraordinairement terrible. C'est l'un des pires dictateurs, non seulement au sens de la répression, mais au sens de l'impérialisme de la fin du XXe siècle. Alors maintenant, est-ce que la motivation principale du fils, George Bush, était de finir le travail du père ? Je veux dire, est-ce que cette dimension familiale était prégnante ou est-ce qu'on est d'abord et avant tout dans une analyse géopolitique ? Moi, je crois beaucoup, d'abord et avant tout, comme vous le dites, à l'analyse géopolitique. Oui, j'imagine. Simplement, je ne suis pas psy et je ne sais pas dans quelle mesure on peut démontrer de manière scientifique que cette dimension filiale existe. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense que la variable de prise de décision principale après le 11 septembre, elle relève plutôt, un, de la volonté de redorer à assez peu de frais le blason américain. Après tout, les Américains ont été touchés sur leur sol, donc frapper des gueux dans les montagnes d'Afghanistan, franchement, c'est pas très glorieux, ça ne suffit pas. Et d'autre part, et ça c'est... alors très peu reluisant pour le coup pour l'administration Bush-fils à l'époque, c'est sans doute favoriser les affaires pétrolières d'un certain nombre de caciques de l'administration américaine et aussi, peut-être aussi, favoriser idéologiquement une partie des néoconservateurs américains autour de Bush-fils. J'ajoute une cerise sur le gâteau, il est vraisemblable qu'un certain nombre d'évangéliques aient souhaité à l'époque aussi cette guerre façon croisade à l'ancienne. Et je crois que c'est ce cocktail détonnant qui explique, en tout cas pour l'essentiel, l'expédition de Bush-fils en Irak. On parlait de l'année 79, année évidemment charnière. Le monde est vraiment secoué en 1979, et pas seulement au Proche-Orient. Donc il y a cette guerre Iran-Irak. Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Quelles sont ses motivations? Parce que son mode opératoire, on l'a rappelé, c'est une guerre d'un autre âge et qui fait énormément de victimes. Quelles sont les motivations? Alors, la motivation première, c'est évidemment l'avènement à Téhéran, un an auparavant, de la République islamique d'Iran. Et là, pour le coup, on a une concurrence institutionnelle extrêmement forte, une concurrence, bien évidemment, religieuse, confessionnelle et religieuse, extrêmement forte aussi. Je rappelle qu'en Iran, le sunnisme n'est même pas reconnu. Donc, autant le judaïsme et le christianisme le sont, c'est pour vous dire, mais même pas le sunnisme. Bon, donc, on a cette double rivalité institutionnelle, religieuse, et puis, ne l'oublions pas, une rivalité énergétique. Puisque au moment où Khomeini arrive au pouvoir en 79, l'Iran est le troisième exportateur de brut au monde. L'Irak, à l'époque, c'est, si ma mémoire est bonne, le troisième ou le quatrième ex aequo. Bon, donc, si vous voulez, on va faire de la part de, enfin, chez Saddam Hussein, d'une pierre plusieurs coups, en quelque sorte. Il est aussi assez probable que, comme ça a été très bien dit dans l'un de vos sondes tout à l'heure, que Saddam se soit dit, en plus de cela, j'aurai avec moi les Occidentaux dont je vais débarrasser ce Khomeini qui ne leur plaît pas. Bon, mais ça, encore une fois, alors c'est là aussi, je dirais que c'est probable, ce n'est pas certain. En revanche, les trois raisons que je vous ai dites, à mes yeux, elles sont tout à fait certaines. On peut rappeler pourquoi, à l'époque, la France dit non à cet engagement pour envahir l'Irak. Alors, bien sûr, on a écouté Dominique de Villepin, bien sûr, il y avait ces armes de destruction massive qui n'existaient pas, en fait. Pourquoi la France se positionne comme ça? Alors, on a d'abord la vieille position gaulliste, ou appelons-la comme on veut, gaullo, chiraco, mitterrandienne, bon, consistante à ne pas suivre aveuglément les Américains, ce qui d'ailleurs n'est pas stupide. Bon, même si en 90, vous l'avez bien rappelé, on y est allé parce qu'en 90, l'Irak avait envahi le Koweït et que le monde entier, la plupart des États, sachant que l'URSS était moribonde, étaient d'accord pour qu'on n'envahisse pas comme ça, ex nihilo, un pays. Bon, là, c'était différent parce qu'effectivement, ça fonctionnait sur des mensonges et il n'y avait pas eu, a priori, d'invasion de l'Irak, pour une fois, d'un autre pays. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Irak était ou avait été quand même notre grand copain. Mais oui. Dans les années... Et oui, mais vous l'avez rappelé. Ouais. Mais ça, c'est un vrai problème. Dans les années 70 et jusque à l'invasion de l'Iran par l'Irak, l'essentiel des armes irakiennes sont à la fois soviétiques et françaises. Le réacteur nucléaire, il est français. Une partie de la classe politique française, de l'extrême droite aux souverainistes de gauche, on a entendu tout à l'heure dans votre son Jean-Pierre Chevènement, en passant bien évidemment par toute la Chiraquie, sont tout à fait favorables à Saddam Hussein, y compris après qu'il eut commencé à massacrer tant et plus de personnes chez lui. Donc c'était extrêmement gênant, et j'ajoute un point peut-être un petit peu trivial, à l'époque, en 2003, l'Irak nous doit encore des sous. Alors, il est bien évident que si on casse, si on va tout casser sur place, alors là, pour le coup, on n'aura vraiment plus aucun espoir de récupérer nos billes. Je parle quand même de plusieurs centaines de millions de dollars au bas mot. Me demande dans quelle mesure c'est pas... mais tout ça est couvert par le secret défense. Donc, et il nous devait de l'argent. Alors ça, c'est la deuxième raison. Et puis, la troisième, on n'était absolument pas du tout d'accord avec les orientations, de manière générale d'ailleurs, et le mysticisme au pouvoir de George Bush-fils. En cela, on a eu raison. Je pense que Chirac, à l'époque, a eu raison. C'est difficilement contestable. En revanche, je le dis d'une phrase, si vous le permettez, je suis toujours très stupéfait lorsque je voyage de constater que les Français sont à peu près les seuls et les derniers au monde à croire que nous, les gens du non, étions majoritaires. Les Américains sont allés en Irak en 2003 entourés de 43 alliés. Mais oui. 44 États ont composé cette coalition. Alors, encore une fois, ce n'était pas juste. Ils sont allés, encore une fois, de manière calamiteuse. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais n'empêche que d'un point de vue géopolitique, l'effet d'entraînement hein, géopolitique était infiniment supérieure du côté américain que du côté français. Puis il y a peut-être, c'est plus marginal, mais une affaire de politique intérieure. Je dis ça parce que lorsqu'on parle de bilan de Jacques Chirac aujourd'hui, lorsqu'on en parle en positif, et vous l'avez remarqué aussi, on dit immédiatement Chirac, ah, c'est le nom à l'Irak. Ah, peut-être qu'il y avait pensé. Oui, non. Oui, bah, c'est-à-dire que tous les présidents de la République, au regard des prérogatives défense et affaires étrangères très importantes que leur confère la Constitution de 58, tous les présidents cherchent, chaque président cherche d'une manière ou d'une autre son ami gaulien. Bon, ça, c'est une constante, hein. Je crois pouvoir l'affirmer. Bah, là, c'était l'occasion rêvée pour Chirac de dire non, surtout que franchement, sur le fond, c'était pas très compliqué de s'opposer, moralement au moins, à l'aventurisme et au mensonge de Bush. Mais en même temps, encore une fois, hein, Chirac, c'était quand même le pilier des réseaux Saddam dans les années 70. Et donc, oui. il y avait aussi ça à régler et à apurer dans une certaine mesure. On va utiliser ce verbe-là. Donc, je pense que ce n'était pas seulement pour la gloriole. Hein. Je pense que Chirac n'y est pas allé pour des raisons à la fois juridiques, morales, mais aussi, sans doute, liées à son propre engagement en faveur de Saddam dans les années 70. Ce sera le dernier mot, votre dernier mot, Frédéric Ancel. Merci infiniment. Je vous dis à la prochaine fois et je renvoie les auditeurs à la lecture de votre livre très instructif qui s'appelle « Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle ». C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la chute de Saddam Hussein, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.